chérie, bonbon, l'amour, l'argent, Vuitton, Gucci, la plage. La nuit, le jour. Paris, directeur général David Mando, Lolombo et c'est l'honorable.